moi que cet endroit-là, quand j'étais arrêté, voici, c'est la dernière fois. Parce que ça se ressemble tout, là, un peu partout, là. Comment? Toutes ces auberges, plus ou moins, se ressemblent. Oui, c'est vrai, mais là, c'est du... Je sais pas si c'est pas... C'est avec qui tu vas, là. Oui, mais ça me fait que... Ça me fait bien, c'est ça, là. Yeah.